Livre second. Autant le moment où l'effroi me suggéra le projet de fuir m'avait paru triste, autant celui où je l'exécutai me parut charmant. Encore enfant, quitter mon pays, mes parents, mes appuis, mes ressources, laisser un apprentissage à moitié fait, sans savoir mon métier assez pour en vivre, me livrer aux horreurs de la misère, sans voir aucun moyen d'en sortir, dans l'âge de la faiblesse et de l'innocence, m'exposer à toutes les tentations du vice et du désespoir, chercher au loin les maux, les erreurs, les pièges, l'esclavage et la mort sous un joug bien plus inflexible que celui que je n'avais pu souffrir. C'était là ce que j'allais faire. C'était la perspective que j'aurais dû envisager. Que celle que je me peignais était différente. L'indépendance que je croyais avoir acquise était le seul sentiment qui m'affectait. Libre et maître de moi-même, je croyais pouvoir tout faire, atteindre à tout. Je n'avais qu'à m'élancer pour m'élever et voler dans les airs. J'entrais avec sécurité dans le vaste espace du monde. Mon mérite allait le remplir. À chaque pas, j'allais trouver des festins, des trésors, des aventures, des amis prêts à me servir, des maîtresses empressées à me plaire. En me montrant, j'allais occuper de moi l'univers. Non pas pourtant l'univers tout entier. Je l'en dispensais en quelque sorte. Il ne m'en fallait pas tant. Une société charmante me suffisait, sans m'embarrasser du reste. Ma modération m'inscrivait dans une sphère étroite, mais délicieusement choisie, où j'étais assuré de régner. Un seul château bornait mon ambition. Favori du seigneur et de la dame, amant de la demoiselle, ami du frère et protecteur des voisins, j'étais content. Il ne m'en fallait pas davantage. En attendant ce modeste avenir, j'irai quelques jours autour de la ville, logeant chez des paysans de ma connaissance, qui tous me reçurent avec plus de bonté que n'auraient fait des urbains. Ils m'accueillaient, me logeaient, me nourrissaient trop bonnement pour en avoir le mérite. Cela ne pouvait pas s'appeler faire l'aumône. Ils n'y mettaient pas assez l'air de la supériorité.